Pas moi. Moi, je vous vois, Maraude. Vite, sortez, Frépon. Allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Boudou. Non, c'en est fait. Hey. Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non. Je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non, elle sortira, vous dis-je, de séance. Eh bien, oui. Vous dit-on quelque chose là contre? Je ne veux point d'obstacle au désir que je monte. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon cours. Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse, coquine! Et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle, pour donner matière à votre haine, cassé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Où voudrais-je la chasser? Et vous figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux? Que se dire? L'affaire est donc considérable. Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable? Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques aiguillères ou quelques plats d'argent? Cela ne serait rien. Oh, peste la belle! Quoi, l'avez-vous surprise à n'être pas fidèle? C'est pis que tout cela. Pis que tout cela? Pis! Comment diantre, Frépon? A-t-elle commis... Elle l'a! D'une insolence à nul autre pareil. Après 30 leçons, insulter mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. Est-ce là? Quoi? Toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences, la grammaire qui s'est régentée jusqu'au roi et les fait la main haute obéir à ses lois. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Je n'égare. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite. Et les lois du langage ont la 100 fois instruite. Tout ce que vous prêchez, je crois, bel et bon. Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. L'impudente. Appeler un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Et tous vos vieux dictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son cil. Ne servent pas de rien. Oh, cervelle indocile! Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrûment? De pas, mais avec rien. Tu fais la récidive, et c'est comme on t'a dit trop d'une négative. Mon Dieu, nous n'avons pas étudié comme vous, et je parle tout droit, comme on parle chez nous. Ah, peut-on y tenir? Quel solécisme horrible! En voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier. Avant est pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Tu parles d'offenser grand-mère, nu grand-père. Oh, ciel! Grammaire est prise à contresens par toi. Je t'ai déjà dit d'où vient ce mot. Ma foi, qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Quelle âme villageoise! La grammaire, du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif avec le substantif, nous enseigne les lois. J'ai, madame, à vous dire que je ne connais point ces gens-là. Quel martyr! Ce sont les noms des mots, et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder. Ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'importe! Eh mon Dieu, finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir. Si fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point, retire-toi, Martine. Comment? Vous avez peur d'offenser la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Moi, point. Allons, sortez! Va-t'en, ma pauvre enfant.